Chapitre 7e. J'ai dit que la longueur du Great Eastern dépassait 2 hectomètres. Pour les esprits friands de comparaison, je dirais qu'il est d'un tiers plus long que le pont des Arts. Il n'aurait donc pu évoluer dans la Seine. D'ailleurs, vu son tirant d'eau, il n'y flotterait pas plus que ne flotte le pont des Arts. En réalité, le steamship mesure 207,50 mètres à la ligne de flottaison entre ses perpendiculaires. Il a 210,25 mètres sur le pont supérieur, de tête en tête, c'est-à-dire que sa longueur est double de celle des plus grands paquebots transatlantiques. Sa largeur est de 25,30 mètres à son mètre couple et de 36,65 mètres en dehors des tambours. La coque du Great Eastern est à l'épreuve des plus formidables coups de mer. Elle est double et se compose d'une agrégation de cellules disposées entre bord et serre qui ont 86 cm de hauteur. De plus, 13 compartiments séparés par des cloisons étanches accroissent sa sécurité au point de vue de la voie d'eau et de l'incendie. 10 000 tonneaux de fer ont été employés à la construction de cette coque et 3 millions de rivets, rabattus à chaud, assurent le parfait assemblage des plaques de son bordé. Le Great Eastern déplace 28 500 tonneaux quand il tire 30 pieds d'eau. L'aige, il ne cale que 6,10 mètres. Il peut transporter 10 000 passagers. Des 373 chefs-lieux d'arrondissement de la France, 274 sont moins peuplés que ne le serait cette sous-préfecture flottante avec son maximum de passagers. Les lignes du Great Eastern sont très allongées. Son étrave droite est percée des cubiers par lesquels filent les chaînes des ancres. Son avant, très pincé, ne présentant ni creux ni bosse, est fort réussi. Son arrière rond tombe un peu et dépare l'ensemble. De son pont s'élèvent 6 mâts et 5 cheminées. Les 3 premiers mâts sur l'avant sont le fort Geiger et le fort Mast, tous 2 mâts de misaine et le main mast ou grand mât. Les 3 derniers sur l'arrière sont appelés after main mast, misaine mast et after Geiger. Le fort mast et le main mast portent des goélettes, des huniers et des perroquets. Les 4 autres mâts ne sont gréés que de voiles en pointe, le tout formant 5 400 mètres carrés de surface de voilure en bonne toile de la fabrique royale d'Édimbourg. Sur les vastes unes du second et du troisième mât, une compagnie de soldats pourrait manœuvrer à l'aise. De ces 6 mâts, maintenus par des haubans et des galobans métalliques, le second, le troisième et le quatrième sont faits de tôles boulonnées, véritable chef-d'œuvre de chaudronnerie. À l'étambray, ils mesurent 1,10 mètres de diamètre et le plus grand, le mainmast, s'élève à une hauteur de 207 pieds français, qui est supérieure à celle des tours de Notre-Dame. Quant aux cheminées, 2 en avant des tambours desservent la machine à aube, 3 en arrière desservent la machine à hélice. Ce sont d'énormes cylindres, hauts de 30,50 mètres, maintenus par des chaînes frappées sur les roufles. À l'intérieur du Great Eastern, l'aménagement de la vaste coque a été judicieusement compris. L'avant renferme les buanderies à vapeur et le poste de l'équipage. Viennent ensuite un salon de dames et un grand salon décoré de lustres, de lampes à roulis, de peintures recouvertes de glace. Ces magnifiques pièces reçoivent le jour à travers des claires-voies latérales, supportées sur d'élégantes colonnettes dorées, et elles communiquent avec le pont supérieur par de larges escaliers à marches métalliques et à rampes d'acajou. En abord sont disposées 4 rangs de cabines que sépare un couloir, les unes communiquant par un palier, les autres placés à l'étage inférieur, auxquels donne accès un escalier spécial. Sur l'arrière, les 3 vastes dining rooms présentaient la même disposition pour les cabines. Des salons de l'avant à ceux de l'arrière ont passé en suivant une coursive d'allées qui contourne la machine des roues entre ses parois de tôle et les offices du bord. Les machines du Great Eastern sont justement considérées comme des chefs-d'œuvre, j'allais dire des chefs-d'œuvre d'horlogerie. Rien de plus étonnant que de voir ces énormes rouages fonctionner avec la précision et la douceur d'une montre. La puissance nominale de la machine à aube est de 1 000 chevaux. Cette machine se compose de 4 cylindres oscillants, d'un diamètre de 2,26 mètres, accouplés par paire, et développant 4,27 mètres de course au moyen de leurs pistons directement articulés sur les bielles. La pression moyenne est de 25 livres par pouce, environ 1,76 kg par centimètre carré, soit une atmosphère 2/3. La surface de chauffe des 4 chaudières réunies est de 780 mètres carrés. cet engine paddle marche avec un calme majestueux. Son excentrique, entraîné par l'arbre de couche, semble s'enlever comme un ballon dans l'air. Il peut donner 12 tours de roue par minute et contraste singulièrement avec la machine de l'hélice, plus rapide, plus rageuse, qui s'emporte sous la poussée de ses 1600 chevaux vapeur. Cet engine screw comporte 4 cylindres fixes disposés horizontalement. Ils se font tête deux par deux et leurs pistons, dont la course est de 1,24 m, agissent directement sur l'arbre de l'hélice. Sous la pression produite par ces 6 chaudières, dont la surface de chauffe est de 1175 m², l'hélice, pesant 60 tonneaux, peut donner jusqu'à 48 révolutions par minute. Mais alors, haletante, pressée, éperdue, cette machine vertigineuse s'emporte et ses longs cylindres semblent s'attaquer à coups de piston comme d'énormes ragots à coups de défense. Indépendamment de ces deux appareils, le Great Eastern possède encore 6 autres machines auxiliaires pour l'alimentation, les mises en train et les cabestans. La vapeur, on le voit, joue à bord un rôle important dans toutes les manœuvres. Tel est ce steamship sans pareil et reconnaissable entre tous. Ce qui n'empêcha pas un capitaine français de porter un jour cette mention naïve sur son livre de bord, rencontrer navire à 6 mâts et 5 cheminées, supposé Great Eastern.